Mon frère, dit Adeline en venant s'agenouiller devant le maréchal, vivez pour moi! Aidez-moi dans l'œuvre que j'entreprendrai de réconcilier Hector avec la vie, de lui faire racheter ses fautes. Lui, dit le maréchal, s'il vit, il n'est pas au bout de ses crimes. Un homme qui a méconnu une Adeline, et qui a éteint en lui les sentiments du vrai républicain, cet amour du pays, de la famille et du pauvre que je m'efforçais de lui inculquer, cet homme est un monstre, un pourceau. Emmenez-le si vous l'aimez encore, car je sens en moi une voix qui me crie de charger mes pistolets et de lui faire sauter la cervelle. En le tuant, je vous sauverai tous, et je le sauverai de lui-même. » Le vieux maréchal se leva par un mouvement si redoutable que la pauvre Adeline s'écria « Viens, Hector !» Elle saisit son mari, l'emmena, quitta la maison entraînant le baron si défait qu'elle fut obligée de le mettre en voiture pour le transporter rue Plumet, où il prit le lit. Cet homme, quasi dissous, y resta plusieurs jours, refusant toute nourriture, sans dire un mot. Adeline obtenait à force de larmes qu'il avalât des bouillons. Elle le gardait, assise à son chevet, et ne sentant plus de tous les sentiments qui naguère lui remplissaient le cœur, qu'une pitié profonde.